Malheureux qu'elle n'en fait non, malheureux qu'elle n'en cat, malheureux qu'elle n'en fait non, malheureux qu'elle n'en cat, qu'elle n'en cat n'en pour uno, qu'elle n'en uno ben pour pas, tra de la la de de de tra de la la de de de da, tra de la la de de de de tra de la la de de de da. Russon lo fenno che nome che li cau, Russon lo fenno che nome che li cau, uno sinchero mai to cleo che no cat, tra di la la di di di di tra di la la di di di tra di la la di di di di tra di la la di di di na.